Chapitre 6e. En s'éveillant très tard, après avoir mal dormi, Antoinette apprit que son mari était sorti à cheval, lui faisant dire que si elle montait, elle le retrouverait sur la route de Maron. Elle se sentait mal à l'aise et courbaturée, mais elle alla tout de même au-devant de lui. Elle le rejoignit au bord de la Moselle. Du plus loin que Guy l'aperçut, il cria « Ah, vous avez fini par vous éveiller ?»« Mais oui !» Comme je ne vous entendais pas remuer dans votre chambre comme à l'ordinaire, je me suis décidé à y entrer. Pourquoi ne m'avoir pas éveillé? Ah non, vous dormiez trop bien. C'est beau de dormir comme ça. Et regardant les yeux d'Antoinette, tout meurtri par les larmes, il reprit en riant. Pauvre petite, elle a encore les yeux gonflés de sommeil. La comtesse rougit. Elle craignait que s'il la regardait plus attentivement, il ne s'aperçût qu'elle avait pleuré. Oui, j'ai eu beau dormir, je n'ai pas assez dormi. Il se pencha vers elle. Vous êtes toute rose, j'ai une envie de vous embrasser. Elle inclina sa tête, et Guy posa ses lèvres entre l'oreille transparente et les petits cheveux de la nuque en murmurant tout bas. Je t'aime, à toi non, je t'aime. Elle leva sur lui ses yeux tendres et bons et répondit. Moi aussi, va, je t'aime. Ah oui, elle l'aimait. Elle eût voulu vivre toujours ces minutes pleinement heureuses, où, le sentant tout à fait à elle, elle oubliait ses préoccupations et ses craintes. Tout à coup, s'arrêtant, il demanda « Est-ce que vous n'entendez rien ?»« Non, rien. »« Tiens, c'est singulier. Il me semblait qu'on avait appelé. »« Je ne crois pas. » »« J'avais cru entendre la voix de Blainville, là, sous bois. »« À propos de Blainville, vous vous êtes ennuyé hier soir, n'est-ce pas ?»« Mais non, pourquoi ?» Parce que vous en aviez l'air. Ah. J'ai cependant tâché d'être le plus aimable que j'ai pu. Décidément, je suis un vrai ours, mon pauvre Guy. Je vous en demande pardon. Il est bizarre qu'ayant été tant admiré et gâté, vous détestiez ainsi le monde. Que voulez-vous? J'y ai peut-être été trop pendant 10 ans. Mais j'y vais depuis 15 ans, moi, et je m'y amuse comme le premier jour. Ça ne m'étonne pas. Bien que nous ayons presque le même âge, et que vous soyez en réalité l'aîné, vous êtes beaucoup, beaucoup plus jeune que moi. » Elle s'arrête à court. Une voix retentissante lançait derrière un appel. « Eh, hop !»« Là, quand je vous le disais qu'on nous avait ailés, » s'écria le comte. Et tournant son cheval en travers de l'allée, il attendit une troupe de cavaliers qui galopaient en bordure de la forêt. « Tiens, les Livry, et Blainville, et Bessèges, et Noirval, les voilà tous. » « Oui, tous. Ils sont implacables, » balbutia Antoinette, replongée brusquement dans la réalité. Et résignée, elle attendit à côté de son mari. « Nous allions vous chercher, » cria Madame de Ligny. « Pourquoi faire ?» demanda Détiole. « Pour vous emmener déjeuner à Ligny. Après le déjeuner, nous faisons un tennis sérieux. »« Oui, » dit Monsieur de Ligny, « ma femme veut maigrir, et elle nous condamne tous au tennis sérieux. Je dirais même sévère. » « Maigrir ?» fit le comte, qui enveloppa d'un regard caressant le petit corps replet sur lequel l'Amazone se tendait comme une peau. « Maigrir ? Pourquoi ? Ce serait bien dommage. » Madame de Ligny sourit, et creusant les reins, offrant davantage encore son buste rebondi, demanda d'un air ingénu. « Vraiment ? Je ne deviens pas trop énorme ?» Et toisant Antoinette, elle ajouta « C'est si joli d'être mince. Je voudrais être mince comme Madame d'Étiole. » « Vous pouvez même dire maigre, » fit la comtesse en riant. Bessèges crut devoir protester. « Ne dites pas une chose pareille, madame. Vous avez la plus délicieuse taille. »« Oh, je suis maigre, c'est indiscutable. Mais si vous saviez comme ça m'est égal. »« Si nous trottions, » proposa M. de Ligny. « Il nous faut au moins 1 heure pour rentrer. »« Trottons. »« Au revoir, » dit Antoinette. « Je vais vous quitter ici. Je n'ai que juste le temps d'arriver pour le déjeuner. » « Comment ?» s'écria Madame de Ligny, qui s'attendait parfaitement au départ de la comtesse. « Comment vous ne venez pas avec nous ?»« Je vous remercie 1000 fois, mais ma belle-mère n'est pas prévenue et... »« On va envoyer porter un mot à Étiole. »« Non, merci, il faut que je rentre. D'ailleurs, moi, je n'ai pas besoin de maigrir, au contraire. » Guy insista. « Voyons, on peut très bien faire prévenir maman. C'est simple comme bonjour. » Avec un tranquille entêtement, Antoinette répéta. « Non, je préfère rentrer. » « Je dois aller à la Rosière aujourd'hui. »« Ah ?» dit le comte, vaguement inquiet. « Mais alors il faudrait peut-être que je vous accompagne ?»« Pourquoi ? C'est tout à fait inutile. Vous irez un autre jour. » Voulez-vous, madame, proposa Bessège, me permettre de vous reconduire à Étiole ? Non, je ne vous le permets pas. Je me promène très souvent seul. Et je serais désolé de vous faire manquer votre tennis. Au revoir. Elle tourna court et fila rapidement pour éviter l'insistance de Bessège qui la regardait si étonnée, si réellement ahurie de voir son offre repoussée, que Guy, éclatant de rire, lui dit, voulant expliquer le refus d'Antoinette, « Ma femme est sauvage, vous savez ?»« Je le sais, maintenant, » répondit-il d'un ton pincé en suivant de l'œil la comtesse qui s'éloignait galopant sous la futaie. Quand elle fut hors de vue, Antoinette s'arrêta et, oubliant l'heure, se mit à songer à sa promenade manquée. C'était bien la peine de se lever, de se dépêcher pour attraper Guy. Elle ne l'avait plus jamais, jamais à elle. Le courant mondain l'entraînait de nouveau autant, sinon plus qu'avant son mariage. À présent, elle passait quelquefois des journées entières sans le voir, et elle l'aimait tant. Elle avait tant besoin de lui, de son affection, de ses caresses. Loin de lui, elle se sentait si seule. Comment ne comprenait-il pas un peu cela? Ou bien était-elle donc exigeante et bête de vouloir un mari à elle, et ne demandait-elle pas l'impossible? Elle s'arrêta, écoutant le trot d'un cheval qui résonnait au loin sur la route dure, et une joie la remplit toute. Son mari avait renoncé au déjeuner et au tennis des Ligny, et elle cherchait à la rejoindre, ce pauvre Guy. Peut-être lui avait-elle laissé trop voir sa contrariété. Et déjà, elle regrettait d'avoir troublé ou empêché un plaisir, et se reprochait son manque de volonté. Mais au lieu de celui qu'elle attendait, elle aperçut Jacques de Bièvre qui arrivait sur un grand cheval alezan et flanqué comme lui. « Eh bien, s'écria-t-il, vous avez donc lâché la cavalcade ?»« Oui, comment le savez-vous ? » ?»« Je viens de les rencontrer. Ils ont l'air d'un cirque en balade. Ils m'ont dit que vous aviez pris la route de Clairlieu. Alors moi, j'ai cherché à vous rejoindre. » Regardant la mine défaite de la comtesse, il demanda, « Vous n'êtes pas souffrante ?»« Mais non, pourquoi ?»« Parce que je vous trouve ce matin une petite figure, toute chiffonnée, presque triste. »« Et vous, triste ?»« C'est invraisemblable, n'est-ce pas ?»« Oui. »« Regardez-moi. Mieux que ça. »« Bien. »« Vous avez les yeux rouges. »« C'est... Je suis enrhumé, très enrhumé. »« Ah, c'est donc ça. » « Aussi, vous avez la rage de sortir le soir en robe décolletée. C'est fou. »« Mais non. »« Mais si. Hier encore, je vous ai trouvé assise sur la terrasse avec Germaine. Il y faisait un froid de loup. »« Marchons, voulez-vous ?» demanda Antoinette. « Je ne veux pas me faire attendre. Prenons le petit sentier. »« Vous ne craignez pas les trous ?»« Non. »« Alors passez devant. Je vous suis. » Elle entra sous bois, et Jacques, marchant derrière elle, vit mieux qu'il ne l'avait vu encore, l'extrême souplesse de sa taille, la jolie ligne de son corps mince, la grande élégance de forme qui était son plus grand charme. Certes, elles étaient loin d'être parfaites, ces formes. La taille, extraordinairement flexible, n'était pas très fine. Les hanches manquaient d'ampleur, mais l'ensemble, absolument gracieux, faisait éprouver en ce moment à M. de Bièvre la sensation de curiosité et de vague désir qu'il éprouvait il y a 3 ans quand, au Louvre, il suivait la petite dame des primitifs, et il se dit, plus occupé qu'il ne l'eût souhaité de la silhouette de sa petite voisine, « Ah, je comprends que cet animal de Guy ait été pincé. » Comme il ne parlait plus, Antoinette se retourna pour voir ce qu'il devenait. Craignant qu'elle n'eût surpris l'intensité de son regard, il dit, « Il est joli, votre cheval. » « Joli, non, mais il a de la ligne. C'est un pur sang qui manquait de train. » « Comment s'appelle-t-il ? » « Master Punch, est-ce que vous chassez dessus ?»« Je ne chasse jamais. »« Tiens, pourquoi donc ça ?»« Parce que j'aime les bêtes, et que la cruauté, quel que soit le nom qu'on lui donne, me fait horreur. »« Mais la chasse ?»« La chasse à tir est cruelle, et la chasse à cour est féroce. »« Oh, féroce ?»« Oui, une férocité pittoresque, mais une férocité tout de même. »« Comment, vous ne chasserez pas avec nous ?»« Jamais. »« Ah, tant pis. » « Mais qu'est-ce que ça peut bien vous faire que je chasse ou que je ne chasse pas ?»« Ça me fait beaucoup. Tout à l'heure, en vous voyant galoper, là, devant moi, je me disais que cet automne, je marcherais derrière vous toujours à la chasse, et de cela, je me promettais un très grand plaisir. »« Oh, vous aussi, vous allez me dire des banalités. »« Ce n'est pas une banalité. Je n'aime pas les compliments. »« Je le sais. Aussi, n'est-ce pas dans l'espoir de vous plaire que je vous ai fait celui-là ? » Elle demanda en riant. « Alors vous ne voulez pas me plaire ?»« Je ne peux pas. »« Pourquoi ?»« Parce qu'on ne plaît jamais à une femme qui aime follement un autre homme, surtout quand cet autre homme est son mari. » Je pourrais ajouter, et quand on est l'ami de ce mari, mais je n'ajoute pas. Je ne comprends pas ce genre de scrupule. Ah, non? Je trouve que prendre la femme d'un autre, quel que soit cet autre, est toujours une vilaine action qu'on ne commet que poussée par un irrésistible mouvement. Et alors, dans ce cas-là, on ne choisit pas. Mais ne peut-on chercher à plaire à une femme sans vouloir pour cela la prendre? Alors on ne cherche pas à lui plaire, non? On dit ce qu'on pense, on est comme on est, ça tombe pile ou face. C'est pour ça, madame, que n'ayant contre vous aucun dessein ténébreux, je vous dis ce que je pense, sans me préoccuper de ce qui résultera de ma franchise. Vous m'en voulez? Pas du tout. Alors au revoir. Vous voici chez vous. Vous ne restez pas déjeuner avec nous? Je ne peux pas. Ce n'est pas gentil. Un autre jour. Aujourd'hui, on m'attend chez moi. Il serra la main d'Antoinette. Mais quand il l'eut quittée et qu'il la vit tourner dans la cour d'Étiole, il fit un mouvement pour courir vers elle et rester comme elle le lui demandait. Il s'arrêta un instant, hésitant et troublé, puis il partit, murmurant, furieux contre lui-même. « Ah, mais je suis pourtant trop vieux pour faire des bêtises, moi !»